fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur levaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Michel Bilodeau avec vous ce soir. Marc sera de retour la semaine prochaine et on aura dans la prochaine demi-heure un extrait d'un album double d'une formation néerlandaise du nom de I Spy. L'album a pour titre « While the War Began ». On aura une nouveauté, un extrait d'un album hommage à Pink Floyd, « Middle Reimagined », un tribute to Pink Floyd. Et on aura une version de la pièce « A Pillow of Winds » avec James Labrie, chanteur de Dream Theater, Martin Barr, guitariste de Jethro Tull, et l'ex-claviériste de Dream Theater, Derek Sherinian, une version qui m'a bien plu finalement. Et on remarque aussi sur cet album la présence de Rick Wakeman, Graham Bonnet et plusieurs autres. Et puis on aura Nine Skies, un extrait de leur album qui doit être lancé le 18 septembre et qui aura pour titre The Light Maker. Ce sera la pièce de Dreamer. On retrouvera sur ce quatrième album studio de la formation française des invités comme Ricardo Romano de Rain Strain, John Mitchell et aussi Marco Minman. En passant, Ricardo Romano sera le chanteur du groupe pour la tournée française qu'ils vont mener en octobre, je pense, au Ferrer. Et puis, en guise d'ouverture, ce soir, on a un premier extrait de l'album de Raphaël Pacha et Kimo Porsti, et évidemment, tous deux de l'univers de Samurai of Prague. Le disque doit paraître en septembre et aura pour titre « Sea of Mirrors ». Ces deux musiciens-là en seront à leur deuxième collaboration. L'année dernière, ils ont présenté « Views from the Inner World ». Et sans plus tarder, on y va avec un extrait de l'album à venir de Raphaël Pacha et Kimo Porsti. Et ce sera la pièce « Fascination ». Explain to me from the glass stirs back at me. Am I that little man? They all see and think that they can understand me. I know what this is inside my heart. I am justified. I am a gift to man. See my light shine. Chosen one as destined through my change is give the vibe of way to guide me ahead, rearrange the world to make a better land. We'll be right back. want. No one shall hanger. I will provide. I will provide. You must only follow me. Never question words that I say. Just behold them, man. Stand as the ghetto folk dance. I'm the greatest man of all time. took to the moon. My feelings painted on a lake, moving reflection of voices coming from odd ages. The waltz of dusk and dawn, a light that I pass. The shadows I face alone, ahead of the mass. I once heard the moon flirting with the stars. I plotted against the sun. I won the rainbow and I told her just to run. Help illusions to cross the bridges of hope. That's what I do. That's what I know. But down draws around me, softening the sound. Sleepy time when I lie with my love by my side, and she's breathing low, and the candle dies. When night comes down, you lock the door. Falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Now wait. The owl now sleeps the swan. Behold a dream, the dream is gone. Green fields of cold rain is falling in a golden dawn. Thank you.

petit spécial américain. On aura trois formations des États-Unis. Et dans un tout premier temps, on aura 13 of Everything avec un extrait du troisième album de ce groupe du Texas, Time and Other Delusion. Et puis, suivra du New Jersey, Karmic Juggernaut, un groupe que j'apprécie beaucoup. Un extrait du second album de ce groupe qui a pour titre Phantasmagoria. Ce sera la pièce Atomus Camera Obscura de l'excellent prog psychédélique. Et puis, on aura pour conclure cette demi-heure un groupe de Boston, de Mystical Hot Chocolate Endeavors, qui viennent de lancer un album double concept qui a pour titre A Clock Without a Craftsman. Et on y va donc avec 13 of Everything et la pièce Alternate Life. absent from his school. A woman wrecked, yeah, this world is so cruel. In darkness, see darkness, through darkness, feel no fear. In darkness, see darkness.

consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita avec Michel Bilodeau, on passe à l'Australie avec Southern Empire. Le groupe doit présenter un troisième album en septembre. Et là, on va écouter un extrait d'un second disque paru en 2018 et qui a pour titre Civilization. On remarque sur ce disque la présence d'un invité, Steve Onuru de The Samurai of Prague. Et on va écouter un extrait de la pièce Cries for the Lonely. Ce sera suivi de Mick Paul, un album qui a pour titre Parallel Lives, et c'est son premier disque solo, paru en 2021. Parmi les invités, David Cross, l'ancien violoniste de King Crimson, et David Jackson, ex Vandergraff Generator. D'ailleurs, Mick Paul fait partie du groupe de David Cross. Et on aura du Brésil Gustavo Sandiago, claviériste, bassiste et flûtiste. Un seul essai à ce jour, simplement intitulé Gustavo Sandiago, et c'est paru en 2016. Et on va boucler avec des Italiens, Distillerie di Malto, de leur second album paru en 2013, Suono. Et on y va avec Southern Empire.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Audio Light, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audio Light. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1, 50 ans de culture. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, en tout premier lieu avec Hogwash, un des multiples projets du claviériste et compositeur ukrainien Anthony Kalugin. On aura un extrait de Spellbound paru en 2013 et ce sera suivi d'un groupe espagnol, Apple Smell Color, qui malheureusement n'a produit qu'un seul album en studio. Il s'agit de Unscrupulousness, paru en 2015. On va voir un extrait de cet album. Le groupe a aussi un album en concert en 2017. Et on aura la pièce Boss of Wizards. Mais on y va pour débuter le bloc avec Hogwash, la pièce Time After Time, extrait de Spellbound. Thank you.

Pour conclure l'émission de ce soir, j'ai une fois de plus jeté un petit coup d'œil dans le rétroviseur et là, on remonte à 2003 avec une formation italienne qui a pour nom Arek Names. Ça va être un extrait du tout premier essai qui s'intitulait simplement Arek Names. Et un groupe qu'on est sans nouvelles depuis, mon Dieu, 13 ans. Le dernier disque en studio a été lancé en 2010, In Case of Loss. On peut dire que, bon, sauf erreur, le groupe s'est probablement dissous. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. To think about love, and I have no